Les chasseurs de nazis. Chapitre 2 du gibier en tout genre. Premier épisode. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Souvenez-vous, quelques mois après le 8 mai 1945, qui marque la chute du Troisième Reich et la victoire des Alliés, ces derniers décident de juger pendant un an les 24 plus hauts dignitaires du régime hitlérien. Le procès a lieu à Nuremberg. C'est l'acte fondateur de la justice mondiale envers les criminels nazis. Le gibier est destiné à la potence. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation. Le procureur, pour les Américains, c'est Benjamin Ference. À l'époque, il a tout juste 25 ans, et sur l'image en noir et blanc du procès, sa tête ornée d'une mèche blonde dépasse à peine du micro. Nous sommes maintenant prêts à entendre la déclaration de l'accusation. Il s'agit de l'aboutissement tragique d'un programme organisé d'intolérance et d'arrogance. La vengeance n'est pas notre but, non plus que la simple obtention d'un juste châtiment. Nous demandons à cette Cour d'affirmer, en vertu de l'action pénale internationale, le droit de l'homme à vivre dans la paix et la dignité, quelle que soit sa race ou sa religion. L'affaire que nous présentons ici est un appel de l'humanité à la loi. Nous établirons, au-delà du doute, des faits qui, avant la sombre décennie du Troisième Reich, auraient paru incroyables. Des rapports montreront que le massacre commis par ces accusés n'était pas dicté par des nécessités militaires, mais par cette perversion suprême de pensée, la théorie nazie de la race maîtresse. Nous montrerons que ces actes d'hommes en uniforme étaient l'exécution méthodique de plans à long terme visant à détruire des groupes ethniques, nationaux, politiques et religieux condamnés dans l'esprit nazi. Bien des années plus tard, alors qu'il est devenu un vieillard respecté et quasiment un des derniers témoins de l'événement, Benjamin Ferenc revient sur sa vision du procès et notamment de la partie consacrée à la Shoah par balle, les Einsatzgruppen. Face aux accusés, s'élevait une tribune où siégeaient les trois juges américains en robe noire. Les interprètes étaient fin prêts pour inaugurer une nouveauté, la traduction simultanée qui serait diffusée dans les écouteurs de chaque place assise. Alors que je rédigeais ma déclaration liminaire, il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Tous les accusés méritaient d'être condamnés. Dans le même temps, j'étais pleinement conscient du fait que la justice serait impuissante à mettre en balance le meurtre de plus d'un million d'êtres humains innocents avec la vie de 2 douzaines de leurs bourreaux. J'avais espoir que ce procès serve un propos plus utile et plus durable, qu'il contribue, dans une certaine mesure, à prévenir la répétition de telles horreurs à l'avenir. J'étais déterminé à faire tout mon possible pour aider à la fondation d'un monde plus humain que celui qui m'avait traumatisé de façon indélébile pendant la Seconde Guerre mondiale. On a rassemblé ici 20 responsables, gibier de choix, dont la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, est Göring. Les accusés sont munis d'écouteurs qui leur permettent de suivre les débats dans l'une des 4 langues officielles du procès. 400 journalistes sont venus du monde entier. Et la défense déjà s'agite. Mais le président a posé une première question. Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables? Là-dessus, ils sont tous d'accord. Non coupables. Wilhelm Göring. Göring le premier. Il amorce un discours. Mais le président le rappelle à la question. Coupable ou non coupable? Rudolf Hess. Ribbentrop. Ich kenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Von Papen. Ich kenne mich keinesfalls schuldig. L'audience est suspendue. Le procès sera long. Mais ces hommes qui ont été au sommet de la puissance, qui ont cru tenir le monde dans leurs mains, ces hommes aujourd'hui vaincus, saisis et accusés, ces hommes savent bien que le monde ne leur pardonne pas et que l'heure de payer est venue. Alors, la société allemande a très mal vécu le procès de Nuremberg. Johann Chapoutot est historien, spécialiste du nazisme. Il revient sur l'impact du procès de Nuremberg sur la société allemande. Alors, dans un contexte très court, il y a eu un premier moment de choc et de sidération avec ce qu'on a appelé la découverte des camps. Hein. C'est une expression très impropre et très générale, mais disons que les Alliés ont fait leur travail de mise en présence de la société allemande avec ce qu'elle avait accompagné, toléré, encouragé, c'est-à-dire au moins le système concentrationnaire. Les visites obligatoires, les enterrements dans les fosses pour ces cadavres laissés par les nazis, et les films tirés de tout cela qui sont projetés de manière obligatoire à la société allemande, ça a été un choc et une sidération. Ensuite, le traitement juridique à Nuremberg a été très mal vécu, pour une raison simple, qui se résume à une expression, un seul mot, Siegerjustiz, justice de vainqueur. C'est-à-dire sur le fondement de procédures juridiques non allemandes, sur le fondement de normes non allemandes, qui sont imposées de manière rétroactive, si vous voulez, à des condamnés, enfin à des inculpés, qui peuvent se réclamer de leur ignorance de ces normes. Disant, écoutez, moi, j'agis dans le cadre d'une légalité, là, vous me proposez notre légalité, vous pouvez pas me juger rétroactivement. Donc c'est quelque chose qui est très mal vécu, d'autant plus que la société allemande souffre à cette époque. Elle souffre évidemment de la défaite, hein, l'Allemagne est très largement détruite, ce qui n'était pas le cas après la Première Guerre mondiale. D'autre part, dans le contexte naissant de la division de l'Europe et d'une guerre froide qui s'annonce, les Allemands ont besoin de dire, écoutez, nous, en tout cas à l'Ouest, on s'est battu, on a combattu, on a perdu 5 millions d'hommes pour vous protéger du bolchevisme, pour vous protéger de Staline, pour vous protéger de l'URSS. Et voilà que vous nous jugez pour des peccadilles ou pour des excès qui sont malheureusement indissociables de toute guerre. Donc il y a tout un discours, sinon de panégyrique, du moins de justification, d'apologie, qui se met en place à ce moment-là, au moment de Nuremberg, procès donc qui sont très mal vécus par les Allemands. October 1946. À Nuremberg, aujourd'hui, la justice passe. Dernier acte d'un procès gigantesque qui exigea plus de 300 audiences et qui demeurera le procès de l'histoire. On a jugé 21 hommes, les plus coupables de tout un peuple. On ne les a pas tous condamnés. Au milieu de ces 21 accusés, 3 sont acquittés. Von Papen, le gurnard, échappe à la corde et aussi Schracht, le financier de toutes les monnaies de carton avec lesquelles on filassiait les chars allemands. Si cette grâce imprévue a causé dans le monde une certaine surprise, elle semble apporter une certaine joie, peut-être un certain espoir, parmi les compagnons de l'ex-Führer. Mais voici pour les autres l'heure tragique du verdict. Les 8 juges ont repris leur place et l'on entend le juge français condamner Denis. Le tribunal déclare que l'accusé Denis est coupable des crimes visés par les 3e et 4e chefs de l'acte d'accusation. Et 12 fois, l'on entendra, comme pour Ribbentrop, la parole fatidique « Death by hanging », la mort par pendaison. On the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Pour Keitel, la mort par pendaison. Pour Göring, la mort par pendaison. La corde pour 11 coupables, la prison pour 7 autres, la grâce pour 3. Le verdict de Nuremberg, dont l'espérance soutint les peuples, a pris sa place dans l'histoire. Nuremberg sera maintenant le nom d'une justice qui n'est pas l'expression de la vengeance, mais d'une morale plus haute. Au-dessus des maîtres du siècle, il y a une justice. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis. Une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.